Il y a toujours ces traces là qui partent dans la forêt. Et il y a ce bruit en fait lointain. Un véhicule, peut-être qui vient de la Saxe. On retourne avec les autres. Belette. Tu l'as perdu, je crois. Il s'est fait Il bouffer semble par le fantôme. interdit. Moi, je le prends par la main et on retourne en direction du Ok, truc. ça roule. Donc vous avez tous entendu hein, ce bruit de comment ce bruit de moteur. Il y a très certainement un ou plusieurs véhicules qui arrivent en provenance de la Saxe. Ça, c'est sûrement le gang des quads ou un truc du genre. Ah, ou n'importe quel autre véhicule, hein, d'ailleurs c'est pas forcément eux. On est visible de la voie déchue quand on est sur le pick-up? Tu disais qu'il avait été tiré à l'équerre et un peu camouflé, c'est ça? Si vous êtes près du pick-up, normalement vous n'êtes pas visible. Ouais. Il faudrait vraiment s'arrêter. En fait, vous l'avez repéré le pick-up parce que vous marchiez, donc vous étiez. Même si vous n'avez pas de véhicule, hein, je crois pas. Donc vous étiez, comme vous étiez lent, vous avez pu le voir, quoi. Mais un véhicule, même en passant à 20 ou 30 km heure seulement, repérerait pas le pick-up, quoi. À moins d'être un sentinelle. Le sentinelle, c'est une erreur, c'est une légende urbaine qui circule dans le secteur. C'est que les mecs du gang des quads auraient avec eux une sentinelle. C'est un type avec des sens surdéveloppés et qui lui, pour qui cette cachette du pick-up ne tiendrait pas 2 secondes, quoi. Mais c'est autour de qui? Bah écoute, c'est autour de comment notre ami Théophraste. Hein. Aïe aïe ouais, ok. Donc tu déclares qu'il y a des bruits de véhicules. Bah moi je suis moi de toute façon je mets ma veille de tout quoi. Donc bah je tends l'oreille c'est limite si je lève pas la truffe comme un animal quoi. Et je regarde de tous côtés pour voir d'où viennent les véhicules, et c'est limite si je ne vais pas la rencontre en fait. Ok. Donc tu vois en fait arriver une espèce de véhicule, mais alors complètement improbable. Ça a vaguement quatre grosses roues qui laissent penser que c'est un véhicule, mais sinon ça ne ressemble pas du tout à un véhicule. En fait, c'est une pagode. Vous savez les temples, les temples chinois quoi. C'est une pagode avec plein de breloques qui sont pendues au toit. Et c'est une pagode sur roue, quoi. Il la regarde avec fascination, il a une sorte de large sourire, franc, honnête, qui s'affiche sur son visage, il est fasciné par là. Et il marmonne, le bateau qui roule. Et il se tourne vers ses camarades, pour voir si sa satisfaction est contagieuse, quoi. Il pointe du doigt en criant plus fort, bateau qui roule! Clairement, si tu restes là, si j'ai bien compris, t'es en vue, hein, donc Ah oui, les mecs je qui suis sont en dans vue, la ouais. pagode, ils vont te repérer, quoi. Tout à fait, oui. Et me criblait de plomb le cas échéant. Mais c'est pas un bateau. Est-ce qu'on sait le... Qu'est-ce qu'il serait le plus risqué de s'avancer pour le tirer en arrière ou de le laisser là? Je veux dire en fonction de la distance du véhicule. Bah écoutez, T'es ingénieux, si vous avancez pour le tirer en arrière, vous allez être repéré vous aussi. Si vous le laissez là et que les mecs sont hostiles, bah, il va lui arriver un pépin, quoi. mon ami. c'est un très joli bateau. Bah oui, tu prêches un converti. Bah moi je lui fais des signes. Ok, et j'applaudis donc. toujours en m'exclamant bateau qui roule, bateau qui roule. Ouais, le alors sachant que la voie est pas large et la pagode est vraiment vraiment elle prend elle-même presque toute la largeur de la voie déchue, elle s'avance en fumant et tout, il y a des grandes cheminées, elle éclate les branches sur son passage parce qu'elle est trop haute pour la plupart des branches qui passent au-dessus de la voie déchue, quoi. Et donc en te voyant en fait elle râle en fait tu vois qu'il y a un homme en fait au sommet de la pagode avec une longue vue et il fait signe et la pagode commence à ralentir. Théo, descends. À la base j'étais allé à la rencontre hein, donc Ah, quand tu dis descends, tu dis quoi? Je fais le t'es mort? plus. Non, je croyais que t'étais toujours monté sur le truc. Non, non, je suis parti à la rencontre. Ouais, t'es, voilà, J'ai... t'es au travers de la voie déchue, quoi. Bah, je te t'appelle quand même. Reviens. Cache-toi. Ben, je me retourne, tâchant de voir d'où vient ta voix. Parce que toi, tu t'es caché dans les fourrures, on est d'accord. Je te fais un petit signe de main pour que tu puisses me voir. Ben, à ce moment-là, ben, je commence à détaler dans ta direction. Et puis je m'arrête, indécis, je me retourne à nouveau pour refixer la pagode, en tâchant Dépêche-toi, de voir à quoi ressemble le passager avec la longue vue. Et puis je te regarde à nouveau avec une sorte d'indécision. Au passage, il ressemble à quoi, donc le passager avec la longue vue? Le passager avec la longue vue, c'est un homme qui est torse nu, qui est assez athlétique. Il est chauve, pas tout à fait chauve d'ailleurs. Il a quand même une longue, en fait, il a une longue tresse. Tu vois, tous ses cheveux sont rasés à l'exception d'une longue tresse qui lui pend dans le dos. Et il a le visage et le corps recouverts comme de vagues de peau en fait. Qui font des espèces de cercles concentriques. Et de ce qu'on peut reconnaître, en fait, ce sont des tatouages sarcomantiques. Ah, ok. Je comprends. Et c'est un chinois, quoi. Ok. C'est peut-être le premier que je vois. Du coup, je le regarde avec un peu plus d'attention et il va falloir que tu... Il va falloir que Is m'appelle à nouveau Tu renouvelles ton appel, Is, ou pour tu briser la vous laisses fascination, se quoi. dépatouiller avec les mecs de la pagode? Je l'appelle. Bah, à ce moment-là, comme un fidèle animal, bah, finalement, après un instant d'hésitation, je détale à nouveau en direction de Ok. Is, mais je vais pas me cacher, en gros, je vais rester raide comme un piquet, à les observer au loin. Et... Ça roule. Donc là, la pagode s'arrête. Et en fait, donc c'est là au moment que vous la voyez de plus près, c'est vraiment un édifice extrêmement bizarre, quoi. Hein. Donc il y a tous ces comment tout, il y a eu toute une pile de toits hein, sur des étages différents, quoi, avec plein de fenêtres de verre fumé et qui commencent à. D'ailleurs, les fenêtres commencent à s'ouvrir et il y a des gens qui passent la tête, quoi. Une dame en kimono qui le visage fardé en fait telle une actrice de kabuki qui commence à regarder la scène. Puis il y a d'autres personnes notamment il y a un gars barbu en turban qui vous regarde aussi et il y a plein de breloques qui sont accrochées à la pagode qui visiblement s'embêtent comme des fétiches pour élaner les mauvais esprits. Bah, moi, je souris à nouveau parce que bon, ils sont en couleur et je regarde mes compagnons avec insistance. Du genre, il fait des mouvements de tête, des mouvements de main, façon, on y va, on y va. Celui sur la tour de guet, en fait, hein, le gars avec les tatouages sarcomantiques et la longue vue fait venez, venez. Alors bon, est-ce qu'il s'adresse seulement à toi ou est-ce qu'il a repéré les autres? Ah bon, de toute façon, là, ils vont vite fait vous, si vous restez au même endroit, ils vont très rapidement vous repérer. Hein, maintenant qu'ils sont arrêtés. Moi, je recule en essayant de me dissimuler dans la forêt. Ok, bah justement, là, je vais passer. Fabrice, est-ce que je peux passer à ton tour ou est-ce que du fait de ton lag, t'es trop perdu pour savoir quoi faire? Non, on m'a résumé 5 secondes. Ok. Donc il y a ces, en fait il y a des comment? Le gars à la longue vue sort une échelle de corde et il commence à descendre de la pagode. Il Moi, a je vais aller à sa rencontre si pas ça m'en empêche. Moi, je suis vraiment en mode confiance. Ok, bah visiblement personne t'en empêche. Mais chaque fois, je vais m'offusquer en réalisant que, enfin, je vais m'inquiéter en réalisant que mes compagnons ne me suivent pas. Et là, Ok. pour le moment, bah, je. Bah moi, je l'ai quand même appelé plusieurs fois, mais quand j'ai vu que la pagode était trop près, je me suis caché, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Bah si, moi, s'il y a moyen de rester prêt, mais toujours étant dissimulé dans les fourrés, parmi les arbustes ou autre. Parce qu'il y a une longue route, mais je sais pas. Ouais. Bah si, bah tu t'éloignes plus quoi, davantage quoi. Ouais, enfin, j'essaie de rester camouflé tout en restant le plus près possible. Ok. Tu peux apprendre quelque chose sur comment sur l'homme au tatouage, mais ça, il y a un prix à payer. D'accord, par exemple Bah c'est au goup si c'est au goupil de te dire c'est quoi le prix hein. J'essaie de trouver un truc pour original, plus original que il te repère ou tu peux plus fuir parce que bon. Ouais comme dit Philippe hein, c'est des tatouages sarcomantiques hein, qui. En fait, pendant que tu les observes, tu n'as pas réalisé que les fourmis restent attachées à ta personne, entre guillemets, quoi, et qu'elles vont grimper sur toi et continuer leur petit pique-nique, en fait. Pendant que tu prends vraiment la peine d'observer, caché dans les feuillages, tu ne te rends pas compte que les fourmis sont à nouveau venues à ta rencontre. Et D'accord. voilà. Ah, est-ce que tu payes le prix Okay. Avec le concept des éléments de sa feuille, tu sais qu'on pouvait payer avec les éléments de sa feuille, c'est dans quel contexte en fait? bah écoute ça peut être par exemple de comment tu peux dire bah du coup en fait ça peut te permettre de préciser le prix. Ça, tu prends du contrôle là-dessus en disant bah moi j'ai tel élément dans ma feuille elle bouffe cet élément, c'est ça bon, tu peux faire ça par exemple. Ok. On va essayer ça. Ok, ben les fourmis effectivement étaient restées un peu attachées à moi. Le problème c'est elles ont été sur une zone sur ma cuisse avant droite en fait, où j'ai eu une infection assez grave en fait. Et enfin, gêné par l'odeur ou par la présence de cette infection, elle se détache de mon corps. Un truc comme ça va? Ok, bah ça. J'imagine que Ouais, si bah c'est du coup, fait ouais, de en bonne folie, fait, ça fonctionne. ouais, c'est-à-dire que du coup, t'as payé le prix quelque part en dévoilant quelque chose, quoi. Ouais, c'était cette vidéo et je sais pas si Ok, ça donc on parle. sait que t'as une infection. J'en profite. Ne t'inquiète pas, je saurai m'en rappeler. D'accord. Donc en fait, du coup, comme t'as pu te concentrer sur le gars, tu te rappelles maintenant qui c'est. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à votre tribu. Et visiblement, il voulait percer le mystère des tatouages de votre tribu. Et ben, c'est difficile mais de ce que tu t'en rappelles, il n'est pas certain que la tribu avait envie de lui dévoiler le mystère de ses tatouages, quoi. Alors, je vais passer à notre ami Dick. Bah, Dick, quand il a vu que Théophraste s'éloignait dangereusement et risquait de nous faire repérer, nous a fait repérer d'ailleurs, ça je l'ai constaté plus tard, il a essayé de prendre une autre direction dans la forêt pour voir un peu tout le monde en étant un peu caché, évidemment, c'est pas Ouais, complètement possible, à hein. l'instar de Belette, quoi. Voilà, exactement. Donc, disperser des autres, comme ça, s'il y en a un qui se fait avoir, on ne sait pas du tout ce que ces gens-là veulent ou font, et je surveille un peu ça. Ok. Bah, déjà, ce que tu peux voir, c'est que Is, t'es resté dans le secteur, t'es resté près du pick-up ou t'as fait comme Belette et comme Dick, tu t'es parti te planquer plus loin dans la forêt? J'ai reculé pour me dissimuler, mais je garde un œil sur Théo parce que je suis assez inquiète pour lui. Ok. Bah là, clairement, si personne n'agit, les gars, ils vont en fait le L'embarquer. chinois tatoué là, il va l'embarquer. Il va l'embarquer dans la pagode et il va repartir avec, quoi. Et qu'est-ce qui nous fait donner ce sentiment? C'est-à-dire, je sais Bah pas, en il a un fait regard. il commence à prendre le poignet de Théophraste et puis il lui fait signe de rentrer, quoi. Ok. Comment est-ce qu'il fait en général pour appeler son chien Théo? Il le siffle ou Bah, Théo, à toi de nous le dire. Exactement. Il porte les doigts à sa bouche et en fait, ce faisant, il regarde quand même dans votre direction en étant un peu triste. Je fais pareil, je siffle de la même manière que tu siffles le chien comme pour t'appeler. Bah, à ce moment-là, je me dégage et je cours comme un dératé dans ta direction. Enfin, si je le peux. Ok, le chinois essaie le chinois essaie de te capturer, quoi. Si tu veux lui échapper, alors il y a un prix à payer, quoi. Ok, un prix à payer qui peut être dévoiler une feuille. Est-ce qu'il a un geste vraiment agressif? Bah en fait, visiblement il avait très très envie que tu le rejoignes dans la pagode, quoi. Et quand il voit que tu te barres, bah disons qu'il essaye de te faire un genre un plaquage de rugby, quoi. Bah, C'est à dans toi ce de voir si c'est cas, agressif, mais il a très envie que tu restes, quoi. d'accord. Dans ce cas, je dévoile quelque chose qui est lié à son cœur et qui est une feuille de pureté, Ouais. histoire de dévoiler quelque chose d'important, à savoir l'amitié indéfectible qu'il a pour ses amis. Et c'est une façon de dire que ça lui donne les moyens, ça lui donne l'adrénaline, ça lui donne la force de se dégager parce que là, dans l'instant, l'envie qu'il a, le besoin qu'il a, c'est on l'a appelé, il va à la rencontre et il n'y a rien qui pourra l'en empêcher. Ok, Il s'est pas repéré. impeccable. Bon bah ça roule. Donc t'arrives à lui fausser compagnie, quoi, et donc tu récupères tes copains. Donc là clairement les mecs vont tracer vers le pick-up. Si comment? Là il va falloir faire un choix. Hein. C'est soit vous comment? Soit vous partez vers le pick-up, mais en quelque sorte c'est l'affrontement avec les Asiatiques. Hein. Soit vous vous barrez et vous leur abandonnez le pick-up. Hein. Sachant, on est d'accord que c'est une sacrée richesse. Hein. Mais il y en a un qui conduit. Non, mais c'est lourd à porter, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Il y en a un qui sait conduire. Est-ce qu'on n'a même pas regardé s'il est en état de marche? Bah, est-ce que quelqu'un a prévu de savoir conduire? pas particulièrement. Eh ben, celui qui voudra conduire, il y aura juste un prix à payer, en fait. C'est vrai qu'on pourrait partir avec le pick-up. Oui, oui, c'est exactement ça que ouais, je ouais, parlais, ça hein. Vous pouvez faire ça, vous avez le temps. Ouais. Bon, après, faudra qu'il l'essence et tout, mais bon, on sait jamais. Il me semble que dans la description, il est dit qu'il y en a, donc Alors, on je vais n'est être pas plus tout à cash fait comme sûr. c'est. Oui, bon, bon, en fait, vous avez. Enfin, vous savez pas, parce que la jauge est. La jauge est en panne. Par contre, je vais être plus cash. Comme c'est le tour de Dick, il faut quand même que je le mette en valeur. Il n'y a que toi qui saurais conduire, mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer serait Goupil. Mon Goupil est en Fabrice. Oui, non, pas de souci. Bon, ça a déjà été fait, mais bon, je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Le prix à payer, ça serait, en même temps que tu te souviens comment conduire, tu vas te souvenir d'autre chose en rapport avec la conduite. Un traumatisme un peu violent. Ok. Bah, du Je coup, est-ce paye que le tu payes prix. le prix? Ouais, Je ça paye va. le prix, oui, sûr. Ouais. Eh ben, je t'écoute. C'est moi qui dois le décrire? Oui. Éventuellement, tu peux dévoiler un de tes mots, ou si tu, ou s'il n'y a rien qui correspond, à inventer quelque chose de plus. Ou si t'as pas d'idée, demander au Goupil ou au MJ de raconter à ta place. Moi, je vais parler de quelque chose de violent. Bah, j'ai En fait, plus évident, ça peut être un accident, mais. oui, c'est ça que je pensais. En fait, de colère, un jour, je me suis emparé d'un véhicule qu'on avait dans notre clan. Et j'ai renversé ma mère et j'ai détruit le véhicule. Ok. Et jusqu'à présent, je ne m'en souvenais pas. En fait, c'est terrible parce que quand tu démarres avec quand tu démarres le pick-up, comment t'entends un bruit atroce. Bon, en réalité, c'est peut-être juste une souche que le pick-up en fait explose en démarrant quoi. Mais ça te rappelle en fait les os brisés de ta mère. Lors du terrible accident, quoi. Tout le monde saute dans le pick-up et vous partez sur les chapeaux de roue, c'est ça? Ouais, ça me semble une bonne idée. Ok. Donc, tac, ça démarre. Alors, tour de Peggy. Là, maintenant, il y a deux solutions. Enfin, il y a plusieurs solutions. C'est partir vers Marly-Gaumont. Partir vers la Saxe en fait en contournant la pagode ou s'enfoncer dans la forêt quoi. Une suggestion pour le chauffeur. Moi, j'irai plutôt vers la Saxe. Okay. Chauffeur, ça te va? Oui, mais moi je prends par où les arbres me laissent passer, quoi. En rejoignant la route, je suis dans une direction, la Okay. pagode est là, c'est au hasard. Ouais. Du coup, ça commence. Ça part sur les chapeaux de roue. Dans le dernier rétro qui est pas complètement brisé, vous voyez le tatoué remonter dans la pagode en gueulant des ordres dans une langue qui vous est inconnue, à part peut-être de notre génie de Dick. Et Je suis les en train de conduire sous traumatisme là. Ouais, ok. Ouais. Et donc les gars, leur espèce de véhicule improbable vous prend en chasse, défonçant les branches sur son passage. Les turbines du truc font péter une grosse accélération, une espèce de gros nuage de nocif qui commence à environner la pagode. Elle se met à vous pourchasser. Vous entendez comme un cliquetis, comme s'il avait des comment. Comme si une espèce de machinerie dantesque se mettait en marche à l'intérieur de la pagode. Alors, pour pouvoir semer la pagode, il y a un prix à payer. Arjuna, je vois que tu viens de te reconnecter, t'as raté quelque chose. Allô, allô? Oui, tant tu parles à qui là? Arjuna. Il vient de se reconnecter au chat, donc je me Oui. demande. Bah, je Enfin, sais moi pas, je l'appuie. il a l'air complètement HS là, petit Arjuna. Il a encore eu un souci. Son goupil va pas trop le déranger, visiblement. Donc le prix à payer, donc Volsung, comme t'es le suivant dans la chaîne des goupilles. Ah, ok. Un prix à payer pour leur échapper. Un prix à payer pour leur Sachant échapper. que c'est le tour de Peggy, hein, en Ah, fait. c'est le tour de Peggy, c'est parce que Ouais. tu parlais en tant que conducteur. Alors c'est moi le goupil de Peggy. Alors, ouais. Ou tu veux fixer le prix à payer toi-même, comme c'est une situation en plus de groupe, je vais dire. Alors, situation de groupe, en fait, quand c'est quelque chose qui implique, bon, déjà, juste Peggy, que je m'assure que je dis pas de bêtises, t'es bien d'accord pour essayer de les semer. Ah oui. Ok. Et je pensais que tout simplement on pouvait peut-être perdre une partie de la cargaison, quoi. Ouais, sachant que y a comment les autres peuvent aussi comment peuvent aussi porter comment porter assistance. Ah oui, donc là tu largues une partie de la cargaison. Honnêtement, la seule chose qui serait suffisamment balèze à larguer qui permettrait de les suivre, ce serait de larguer la malle quoi, avec le missile dedans. Ou éventuellement, peut-être juste la malle en gardant le missile, quoi. Ou juste Juste le le missile. missile. Ouais. Bah, ouais, moi je larguerais bien le missile. Ok. Vous la laissez faire? Je Moi je suis propose. juste secoué en tous sens là, du pick-up et je ris aux éclats. Donc je vais pas là, je vais juste être curieux, je la regarde en faisant une sorte de oh sonore en me demandant ce qui va se passer quoi. Oui, je vais Ok. demander de l'aide parce que c'est lourd. Je peux offrir un prix alternatif qui ne déclenche peut-être pas l'annihilation totale de tout un rayon de 30 km. C'est qu'on peut perdre Gabriel. J'y pensais en fait. On peut perdre qui? Mais il faudra empêcher Théo de sauter De pour sauver sauter. son... Ah, le chien. Oui. Ah, vous larguez Gabriel et puis le Mais temps peut-être qu'elle qu'on n'a pas eu le temps de passe, l'embarquer, tout il ferait un simplement. crochet. Ouais, Sachant vous que êtes j'avais allé vu comme trop loin. éphémère en plus. Ouais. Bah du Mais coup ce serait bah Volsung, est-ce que tu serais prêt à perdre ça? moi, en méta, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que dans la fiction, il va vouloir sauver son chien, quoi. Donc, il va vraiment falloir quelque chose pour. Ok. Du coup, alors Peggy, ce qui se passe en fait, en quelque sorte, on considère que t'es aidé par Volsung. Et du coup, comme c'est toi qui lead sur ce conflit, enfin, c'est toi qui mène, c'est toi qui choisis qui paye le prix. C'est-à-dire que est-ce que c'est toi qui paye le prix? En l'occurrence, du coup, tu vas larguer le missile, ou est-ce que c'est Volsung? Sachant qu'à partir du moment où tu as choisi lequel des deux, mais supposons que tu aies choisi Volsung, il peut finalement décider de ne pas payer le prix, en fait, de compromettre complètement, de toute façon, du fait qu'il vous retarde, par exemple, parce qu'il essaye de sauver son clébard, et du coup, vous faites capturer, quoi. J'ai une question de règle, Thomas. Ouais. Le prix de Hiss, c'est de lancer le missile. Ouais. Mais est-ce que c'est juste perdre le missile ou ça peut être ça fait détonner le missile? Est-ce que le prix doit être donné clairement ou est-ce qu'il peut y avoir des complications qui viennent immédiatement après? Bah, je pense qu'en fait, tout simplement, il faut comment c'est du moment que quelqu'un pose la question, ce que tu es en train de faire, ben on éclaire ça. Goupil, est-ce que le missile va péter ou est-ce que ce serait est-ce qu'il va juste être entre guillemets capturé par les mecs de la pagode? Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant s'il était capturé par les mecs de la pagode. C'est toi le goupil de Peggy? Oui. Bon bah ok bah voilà. Très bien. Bon, je reste sur leur première idée de balancer le missile en fait. Ok, impeccable. Donc, ouais, vous balancez, comme vous avez quand même pris le temps d'attendre le cocker, donc D'accord. vous avez pris un peu de retard en faisant ça. Et donc, effectivement, vous faites talonner par la pagode, si bien que la seule solution qui te saute aux yeux, c'est de dessangler le missile, ce qui fait qu'il roule en fait devant la pagode. Les mecs, comme ils comprennent que c'est intéressant, ils freinent des quatre fers pour pas écraser le missile et ils descendent le récupérer. Effectivement, ça va faire perdre suffisamment de temps pour que vous les larguiez, quoi. Ouais, D'autant mais plus que là. c'était plus important de sauver le chien, il fait partie de la tribu. N'est-ce pas? Juste une question idiote, mais est-ce que le chien a des tatouages aussi? Bah oui, il fait partie de la tribu. Ouais, c'est visible sur une oreille rasée. Ok, ça roule. Voilà. Et donc moi je suis en train de chouchouter l'animal et je marmonne plus de fusée. Ok. Alors, je propose qu'on fasse une ellipse en fait, parce que du coup vous êtes barré au loin. On va vous faire arriver dans une nouvelle zone. Je vais vous demander un truc que j'ai complètement oublié de vous demander parce que j'avais trop de choses à penser. Du coup là on rentre entre guillemets dans une nouvelle scène. C'est l'ambiance que vous voulez entre cauchemardesque, périlleux ou intime. Moi, je serais pour cauchemardesque ou périlleux. Ça, Moi, je serais sachant pour. qu'en notre scène a viré au périlleux, là, tout de suite. Ah, si Il tu dis verrait. périlleux, c'est qu'on reste à peu près sur le même rythme, quoi. Qui Du c'est qui coup, choisit, en fait? ben chacun dit ce qu'il veut et c'est le plus soft qui est retenu. Intime. Bon, ben voilà. Ok, voilà. C'est réglé. Qu'est-ce que tu as raté, Arjuna? Je crois que j'ai pas raté grand-chose, mais on partait juste avec le pick-up, normalement. En fait, il y avait un risque qu'il nous rattrape. Il a été question éventuellement de leur céder dans la fiction mon cocker. Mais au final, c'est le missile qu'on a laissé tomber, qui a chuté sans qu'il explose. Et Ok. ça, ils ont tout de suite perçu sa valeur. Ils se sont arrêtés pour le ramasser. On a pu leur échapper. Là, on traite l'ellipse. Ok, ça marche. Voilà. Donc quoi. Ouais. Et accessoirement, tu devrais changer de fournisseur internet parce que je rappelle que la dernière fois qu'on a joué, t'avais aussi été un peu intermittent une fois Non, par c'est ma mois. box, je crois qu'il faut que je la change, elle est tombée plusieurs fois. Alors je sais pas si c'est ma box ou mon fournisseur, mais il y a des soirs. On en reparlera une autre fois si tu veux bien, Fabrice. Ouais. Ça Je marche, vais ça marche. enchaîner sur. Donc, vous avez. Vous avez fini par. Au bout d'un moment, par constater que la pagode vous rattraperait pas. Ce qui me permet éventuellement de. Donc, moi, la question, c'est est-ce que vous passez toute la nuit à rouler? Ou est-ce que vous. Comment? Est-ce que vous allez comment faire une escale? Soit alors du coup il faut savoir que là vous pouvez faire une escale dans la forêt, sachant que vous allez arriver sur la zone de l'arbre dépendu. Ou alors il y a une vous savez qu'il y a, un, il y a ce que comment il y a une auberge il y a une auberge qui est pas loin qui s'appelle l'auberge Campagnil. Donc grosso modo le choix là c'est faire un bivouac près de dans la fin dépendue, rouler toute la nuit, sachant que les choses deviennent de plus en plus bizarres quand on fait des veilles en véhicule quoi. Généralement c'est voilà, plus on roule la nuit plus les choses deviennent bizarres. Ou alors effectivement faire une halte à l'auberge. Qu'est-ce que je veux dire? Au niveau de l'essence, c'est une ressource qu'on gère ou... Oui, et là le problème c'est que vous savez pas du tout où vous en êtes dans le sens où la jauge est niquée quoi. On a des réservoirs dans le pick-up, genre une jerrycan, une... Non, y a rien. Après, je vais juste donner une info, c'est que vu les bruits du moteur entre guillemets, toi, Dick, t'es capable de savoir qu'il y a au moins, enfin, si vous voulez rouler toute la nuit, c'est possible quoi. Après, ça se trouve, vous tomberez en panne sèche au petit matin, mais c'est encore possible de rouler toute la nuit sans faire le plein, quoi. Alors, Préférez quoi comme option? Après, je dis, c'est trois options que je propose, mais peut-être d'autres idées. préférerais pas rouler toute la nuit. Moi, je préfère qu'on s'arrête. Vous arrêtez dans la forêt des pendus ou à l'auberge? Dans l'auberge. À l'auberge. Ouais. On ne connaît pas l'endroit, c'est potentiellement inquiétant. Vous avez repéré des panneaux en fait un petit peu avant quoi, des gros panneaux de bois où sur lesquels c'est écrit à la peinture noire et c'est mis auberge Campagnil.